Mona FM, 80 à l'heure avec Digitom.

meilleur des années 80 sur Mona FM. 80 à l'heure. 80 à l'heure. 80 à l'heure. Des années 80 sont sur Mona FM. 80 à l'heure. Yeah. 80 à l'heure, le meilleur des années 80 sur Mona FM. Dans un instant sur Mona FM. 80 à l'heure avec DJ Tom. Hey, vous, oui, c'est à vous que je parle. Ça vous dirait un max de plaisir sans vous ruiner? En ce moment, chez Quick, faites un max d'économies en profitant du menu Cheese Max à 5,95€ seulement. Oui, 5,95€. Laissez-moi deviner, vous cherchez le Quick le plus proche? Offre valable dans les restaurants participants, liste sur quick.fr. Offre non cumulable avec toute autre promotion en cours. Pour votre santé, bougez plus. TMC passe à l'heure anglaise. Downton Abbey, la série britannique acclamée par le public et saluée par les critiques, revient sur TMC pour une nouvelle saison inédite. Passez des fêtes so British avec la famille Crawley. Downton Abbey, nouvelle saison inédite, demain à 20h50 sur TMC. Petit four chaud, table dressée, sapin décoré, tout est prêt pour ce soir, mon chéri. T'oublies pas un truc, genre les cadeaux? Ah oui, je sais, mais alors ça, moi, j'ai besoin d'inspiration. Oui, bah prends une grande inspiration, le prospectus et fais chez But. En ce moment, chez But, offrez une carte cadeau et profitez de 10 euros en bon d'achat. But, c'est nous. Voir conditions en magasin et sur but.fr. Pam padam, pam padam. Du 17 au 21 décembre, profitez d'une offre de Noël exceptionnelle chez Darty. Pour tout achat d'un appareil photo ou accessoire photo, recevez 10 euros en carte cadeau Darty par tranche de 100 euros d'achat. Offre valable sur les univers photos, caméras et leurs accessoires, hors caméra sportive. Carte cadeau valable du 1er février au 31 mars 2015, voire modalité en magasin et sur darty.com. Monnaie FM, agenda. Excellente journée à l'écoute de Monnaie FM. Et la ville de Don organise son tout premier marché de Noël, les vendredis 19, samedi 20 et dimanche 21 décembre. Et ce, de façon très originale, puisqu'il se déroulera dans une péniche amarrée à la Grande Écluse. Le marché débutera le vendredi de 17h à 19h, sous la houlette du duo Walter et Maryse, qui inaugurera ce week-end festif en chantant et en vous faisant danser. Le marché réouvrira ses portes le samedi de 11h à 20h avec le groupe de cuivre The Charlie Brothers. Et enfin, le dimanche, vous pourrez visiter et revisiter le marché de 11h à 19h. Et à 17h, il y aura le groupe de musiciens et chanteurs Baliverne qui reprendra les chants de Noël des chansons françaises. C'est donc du côté de Don ce week-end du 19, 20 et 21 décembre. Plein d'autres activités pour les enfants notamment. Retrouvez toutes vos sorties du Nord-Pas-de-Calais sur monafm.fr et sur le Facebook officiel de Mona FM. Mona FM, 80 à l'heure. C'est 80 à l'heure avec Digitom. 80 à l'heure. Souvenez-vous. Dans ces matins d'avril. les yeux pleins d'espoir. Y a tant d'envie de tout savoir. Yeah.

Too long in the field. 80 à l'heure. Souvenez-vous. Salut, c'est Arnold Turbou sur Mona FM. The kids are playing up there. 80 à l'heure. Souvenez-vous,